elles sont déjà bien plus nombreuses. Donc, et bien ça, voilà, le programme de la journée est énoncé. Merci Cynthia Fleury. On se quitte avec une chanson très à propos, bien qu'on ne la trouve pas dans le film Crash, une déclaration d'amour à sa voiture, c'est Queen. Merci beaucoup Cynthia Fleury d'être venue nous parler de Crash aujourd'hui. Merci à vous. Je renvoie les auditeurs à votre livre puisqu'il en a été question aujourd'hui, Pretium Doloris, l'accident comme souci de soi, aux éditions Fayard. Votre dernier livre s'appelle Les Irremplaçables et est disponible chez Gallimard. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous avez dû en entendre parler. Le monde des sciences sociales tremble depuis qu'un canular a sérieusement écorné son image. En effet, deux universitaires américains et une éditrice, Peter Boghossian, James Lindsay et Hélène Pluck-Rose ont réussi à faire publier dans des revues supposément sérieuses de sociologie cet article complètement absurde. Le but de l'opération ? Dénoncer les dérives de la discipline. Nous avons joint Gérald Bronner, éminent sociologue français et professeur de sociologie à l'Université Paris-Diderot, pour nous en parler. Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire déjà si cette pratique du canular est nouvelle ? Ah non, certainement pas. Nous avons tous peut-être en mémoire le canular qui avait tenté le physicien et qui a réussi d'ailleurs le physicien Sokal, d'ailleurs du nom de l'affaire Sokal, puisqu'en 1996, il avait réussi à faire publier dans une revue Social Text un texte totalement constellé de sottises, mais volontairement évidemment pour démasquer déjà l'usurpation de ce qu'on appelle les cultural studies aux États-Unis. Et alors cette affaire avait déjà fait beaucoup beaucoup parler. Donc ce n'est pas la première fois. Puis il y a d'autres affaires qui ont eu lieu notamment en France avec la sociologie maffesolienne qui est pas beaucoup plus sérieuse que les délires constructivistes des cultural studies et qui avait elle aussi publié un article totalement loufoque, volontairement loufoque, sans s'en apercevoir bien entendu. Mais là c'est quand même une affaire très spéciale, beaucoup plus sérieuse que tout ce qui a été tenté auparavant. D'abord par le volume de textes, il y a 7 textes qui ont été publiés dans des revues. Deuxièmement, par le caractère sérieux, entre guillemets, des revues qui l'ont publié, puisque certaines d'entre elles sont classées Q1, c'est-à-dire qu'elles appartiennent en réalité aux 25% des supports les plus visibles de leur champ. Et troisièmement, contrairement à l'article publié par Socal par le passé, ces articles ont été expertisés. Hein. C'est ce qu'on appelle les peer reviews, c'est-à-dire qu'elles sont expertisées par des pairs, c'est-à-dire par d'autres membres de l'institution universitaire qui sont des chercheurs et qui sont censés donc être habilités à autoriser ou non, en quelque sorte, une idée à être publiée, un article à être publié. Et là, non seulement ces 7 articles ont été acceptés sur 20, hein, il y en a quand même certains qui ont été refusés, mais ils ont été quelquefois applaudis par ces reviewers, au point qu'on a proposé aux auteurs des articles de devenir eux-mêmes experts pour la revue. Donc on nage en plein surréalisme, quoi. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Est-ce que ça parle du fait que les revues sont pas si sérieuses? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème dans la discipline? Alors, à mon avis, ça révèle effectivement qu'un certain nombre de supports, pas tous, hein, on parle de sociologie, de sciences sociales, mais en réalité, il faudrait préciser qu'il s'agit surtout de revues de cultural studies, de gender studies, de fat studies même, hein, des revues spécialisées sur la question de l'obésité, par exemple. Ce genre de canular permet justement de distinguer le bon grain de l'ivraie. Donc, vous voyez qu'on est quand même... Non, mais c'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. Et vous pensez que ce genre de canular peut un peu réveiller les consciences? Alors, c'est ça le problème. C'est que le canular est tout aussi intéressant que sa réception. Normalement, dans une discipline normalement constituée, là où il n'y aurait pas de danger sociologique, la communauté scientifique applaudirait et dirait « oui, voilà, cela révèle qu'il y a un problème de sélection des idées sur un certain nombre de revues académiques qui touchent quand même des subventions publiques, etc. Et cela crée des postes à l'université. Mais une partie de la discipline, et c'est enfin qui s'exprime plutôt sur Twitter d'ailleurs, est embarrassée, dit « je ne sais pas trop qu'en penser, en même temps cela crée un discrédit, etc. » Alors tout ça est bien vrai, mais ce discrédit serait beaucoup moins fort si tout le monde s'accordait pour dire que ces articles sont proprement délirants, tout simplement. Il n'y a rien à sauver là-dedans. Mais en se montrant embarrassé par ce canular, un certain nombre de collègues montrent qu'il existe encore des compulsions idéologiques fortes dans la discipline. Et d'ailleurs, ces compulsions idéologiques, elles viennent d'être rappelées par un très bel article publié dans American Sociologist, justement, qui est une revue très sérieuse, où 479 sociologues universitaires américains ont été interrogés et montrent qu'il existe une asymétrie idéologique dans la discipline. Par exemple, lorsque l'on demande, n'est-ce pas, si la sociologie a une vocation scientifique ou au contraire, elle doit donner des leçons de morale, eh bien, vous avez une majorité de collègues sociologues américains qui considère qu'elle doit donner aussi des leçons de morale, ce qui n'est pas, je crois, les attributions normales d'une science. Merci beaucoup Gérald Bronner. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Le danger sociologique » avec Étienne Géin, paru aux éditions PUF. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec l'aide de Colomba Grossi, Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Philippe Baudouin qui réalise cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Delphine Baudet. Et j'en profite pour vous annoncer la naissance de la petite fille de Géraldine Mosna-Savoie. C'était le 26 octobre dernier. La petite Simone a vu le jour. On lui souhaite la bienvenue. Et on attend Géraldine avec impatience qui reviendra dans les chemins de la philosophie en janvier prochain. On se retrouve demain à 10h pour la suite de notre série sur David Cronenberg. On sera en compagnie du philosophe Mehdi Belhaj Kassem. On évoquera le film Existence, sorti en 99, un film de science-fiction où la création d'un jeu révolutionnaire qui se branche directement sur le système nerveux vient troubler les frontières entre réalité et illusion, tout un programme. D'ici là, pour écouter cette émission sur Crash en compagnie de Cynthia Fleury, sachez que c'est très simple, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à volonté. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.